Chapitre 5. Fiançailles d'Artus et de Guenièvre. Fuite du roi Rion de Danemark. Départ d'Artus pour la Gaule. Nous avons anticipé sur l'ordre des récits en achevant l'histoire des amours de Merlin. Il faut maintenant revenir sur nos pas et retrouver le prophète en Carmélide, où il s'était transporté, après avoir donné ses instructions, au sénéchal du roi Ban de Benoïc, et fait sa première visite à Viviane dans la forêt de Briosque. Le roi Léodagan et Artus lui-même avaient grand besoin de ses conseils. Une armée considérable était réunie devant Carouèze, attendant de lui l'ordonnance de chaque échelle. On peut résumer en peu de mots les avis du prophète: empêcher les espions de l'armée ennemie de rien deviner du plan d'attaque, distribuer toutes les forces en 10 batailles, dont les premières iront surprendre de nuit le camp des Danois, que les débauches de la veille retiendraient assoupis, car on leur restait toit venu grande abondance de blé, de chair et de vin. Telle était la confiance des Scènes, qu'ils n'avaient pas même posé de garde devant les tentes, et que les abords n'en étaient défendus que par un rempart de charrettes. Les autres échelles devaient attendre dans le bois voisin un signal pour se montrer, ramener les fuyards ou décider le succès de la journée. Nous nous garderons bien de suivre le romancier dans le long récit de la bataille livrée au roi Rion devant Dan Blaise. Il suffira de dire qu'après une lutte acharnée, le roi barbu se verra obligé de remonter dans ses vaisseaux et de rentrer en Danemark sans la barbe de Léodagan, principal objet de ses convoitises. Comme on prenait les dernières dispositions pour le combat, un cousin germain de Léodagan, dont les médisances devaient être plus tard si funestes à Guenièvre, le jeune Guillaumard entra dans la chambre où les trois rois, Artus, Ban et Bohor, tenaient conseil. Léodagan l'envoyait pour les prier de se rendre près de lui. Ils montent aussitôt, arrivent dans la cour du palais où le roi de Carmélide les prend par la main et les conduit dans une salle haute. Quand ils furent assis, « Vous devez, leur dit-il, comprendre combien je vous aime et vous honore. C'est à vous que je dois la conservation de ma couronne et de ma vie. J'ai donc grand désir de savoir le nom de mes libérateurs. J'ai promis de ne pas le demander, mais qu'il vous plaise au moins de ne pas tarder à me satisfaire. » En disant ces mots, le roi les regardait humblement, et, quand il s'aperçoit qu'ils hésitent à répondre en paraissant attendre le conseil de Merlin, les larmes lui montent du cœur aux yeux et lui couvrent le visage. Il ne peut prononcer un seul mot et se laisse tomber à leurs pieds. Artus s'empresse de le relever et tous les cinq vont s'asseoir sur le même lit. Merlin rompit le silence. « Ainsi vous voudriez bien, sire, savoir qui nous sommes. Apprenez d'abord ce que nous sommes venus quérir. Vous avez pu voir si ce jeune damoiseau est bon chevalier. Tout roi couronné que vous êtes, il est encore plus riche d'amis, de terres et de parents que vous-même. Il n'a pas encore pris femme. Si nous allons par le pays cherchant les aventures, c'est dans l'espoir de rencontrer un puissant baron qui consent à lui donner sa fille en mariage. « Eh, sire Dieu, pourquoi t'en chercher ?» s'écria Léodagan. « J'ai la plus belle fille qui soit en terre, la plus sage, la mieux enseignée du siècle. Sa parenté, son héritage ne diminuent rien de sa valeur. Si tel est votre plaisir, je la lui donne à femme et toute ma terre après ma mort, car je n'ai pas d'autre héritier qu'elle. » Merlin, répondant que l'offre n'était assurément pas à refuser, Léodagan va lui-même prévenir sa fille en l'avertissant de revêtir ses plus riches vêtements. Il lui prend la main, la conduit où l'attendaient les quatre compagnons. En même temps entrent dans la salle les plus hauts barons de sa terre et tous les chevaliers de la table ronde. Léodagan, parlant assez haut pour être entendu de tous, « Sire damoiselle, dit-il, que je ne sais encore nommer, venez avant et recevez à femme ma belle et courtoise fille, avec le don, après ma mort, de tout l'honneur qui dépend de moi. Je ne pourrai la donner à plus prud'homme. » Artus passe alors avant et dit « Grand merci ». Léodagan prend sa main droite, la met dans la main de sa fille et l'évêque de Carouèze prononce la fiançaille. Au milieu des marques de joie de tous les assistants, Merlin s'approche de Léodagan. « Sire, vous avez donné votre fille et vous ne savez encore à qui vous l'avez donnée. Apprenez, vous et tous ceux qui nous entourent, que vous avez pour gendre le roi Artus de Bretagne, fils du roi Uther Pendragon. C'est votre suzerain. Vous et tous les hommes de ce royaume lui devez hommage. Que chacun s'acquitte de ce devoir et nous irons ensuite avec plus de confiance tournoyer contre le roi barbu. Quant à ces deux prud'hommes, ils sont frères germains et rois couronnés. L'un est Ban de Bénoïc, l'autre Bohor de Gane. Leurs compagnons sont tous bons chevaliers et nobles barons, fils de princes et de châtelains. Ne demandez pas si le roi Léodagan et ceux qui l'entouraient furent ravis d'entendre ces paroles. Aussitôt, les chevaliers de la table ronde s'approchent du roi Artus et lui font hommage. Le roi Léodagan les imite, et après lui, tous les barons. On s'assit ensuite au festin des fiançailles, et l'on entendit la plus belle messe qui fut jamais à souhaiter. « Maintenant, dit le roi Léodagan, Dieu peut faire de moi sa volonté, puisque ma fille et ma terre sont assignées au plus prud'homme du monde. » Les conducteurs des 10 échelles ordonnées pour la bataille furent les 3 rois, Artus, Ban et Bohor, leurs 30 compagnons et les 250 chevaliers de la table ronde. Merlin portait le dragon, principal étendard des Bretons. La seconde échelle fut confiée à Guillaumard, la 3e à Climadas, le neveu de la sage dame de la forêt sans retour, la 4e à Brios ou Brieux, sire du merveilleux château de Claudas, la 5e au renommé chevalier Kidolus, la 6e au roi Belkis, la 7e à Idier de la terre au Norrois, à qui devait arriver la belle aventure des 5 anneaux qu'il ôta des doigts du chevalier mort, demandant vengeance. La 8e à Landon, neveu de Cléodalis. La 9e à Messire Groin-Pêtre-Molle, bon chevalier, qui avait le nez d'un chat. La 10e enfin à Léodagan et à Cléodalis, son sénéchal. Chacune de ces échelles était composée de 7 à 10 000 hommes. Mais il faut sans doute admettre la réduction que le romancier lui-même a précédemment proposée. Artus ayant demandé ses armes, Guenièvre s'approcha et l'aida à les revêtir. Elle lui ceignit l'épée au senestre côté, et quand le roi n'eut plus que le haume à prendre, elle se mit à genoux pour lui chausser les éperons. Merlin sourit en la montrant aux deux rois, puis se tournant vers Artus, « Sire, sire, c'est d'aujourd'hui seulement que vous êtes chevalier nouvelle. » Vous pourrez à bon droit dire que vous devez votre chevalerie à fille de roi et de reine. Une seule chose y manque encore. Et quelle est cette chose ? Dit Artus. Madame le fera s'il n'y a pas honte à l'accomplir. Certes, dit Guenièvre, à rien de ce que je ferai pour vous ne peut se trouver honte ou laideur. Je vous sais à trop courtois pour craindre de vous la moindre vilenie, et si vous me la demandiez, le reproche en serait plus sur vous que sur moi. Car je ne puis avoir honte que vous ne la partagiez. On ne peut, dit Merlin, parler plus sagement, mais de ce que je demande ne peut venir aucune honte ni reproche. Dites donc ce que vous voulez encore. C'est, fait Merlin, le baiser si la demoiselle ne le refuse pas. Oh, dit Artus, il ne s'en faudra pas de cela que je ne sois son chevalier. Moi, dit à son tour la demoiselle, je ne veux pas non plus manquer pour cela d'être à vous et vous à moi. « De quoi me ferais-je prier ? Je l'ai pour agréable aussi bien que vous. » Je regrette que cette jolie phrase soit répétée dans le Lancelot par Guenièvre quand Galéo l'a pris de baiser Lancelot. Artus se prit alors à rire, et s'approchant plus encore, il la baisa et la tint quelque temps étroitement embrassée. Puis, le signal du départ étant donné, Guenièvre lui couvrit la tête d'un haume merveilleux qu'il lui fut d'un grand service dans la terrible lutte qu'il allait soutenir. Les Danois étant mis en déroute complète, leur roi Rion, après avoir fait tout ce qu'on pouvait attendre du plus vaillant guerrier, se voyait entraîné dans la fuite commune, quand il fut arrêté par Artus, qui l'invita à se mesurer avec lui. Le roi barbu, issu de la race des géants, y consentit. Le duel fut long et terrible. Artus, plusieurs fois violemment frappé, dut son salut à la bonne trempe d'Excalibur. Elle coupa en deux d'un revers la massue du roi géant. L'épée de Rion n'était pas moins bonne, on la nommait Marmiadoise, et venait d'Hercule en ligne directe. Hercule l'avait cédée à Jason, celui qui conquit la toison d'or, et abandonna Médée qu'il aimait tant. Nikos, un fameux orfèvre, l'avait forgée pour le roi Adrastus de Grèce, et du trésor de ce prince, elle était arrivée à Tydeus, fils du roi de Calydon. Tydeus l'avait sainte quand il fit son message au nom de son beau-frère Polynis, près du roi de Thèbes, Éthiocle. De main en main, elle était enfin passée au roi Rion, qui se vantait de descendre d'Hercule. Artus, cette fois, ne tua pas son adversaire. Il se contenta de lui enlever Marmiadoise, qu'il ne cessa plus de porter. Pour la grande épée du Perron, la fulgurante Excalibur, il en fit don à son neveu Gauvin. Artus et Rion, comme les héros d'Homère, s'arrêtent de temps en temps pour lier conversation. Le roi de l'Ogre dit qu'il est fils du roi Uther Pendragon. « Moi, répond son adversaire, je suis le roi Rion d'Irlande, la Grande, terre qui s'étend jusqu'à la terre des pastures, que j'aurais également soumise, sans la borne infranchissable de la laide semblance que posa Judas Maccabée, pour indiquer qu'il avait arrêté là ses conquêtes. Les anciens disent que les aventures merveilleuses du royaume de l'Ogre cesseront dès que la borne sera ôtée. Mais celui qui l'enlèvera doit la précipiter dans le golfe de Septanie et ne la laisser voir à personne, car elle donnera à quiconque osera la regarder sa hideuse figure. » Cette légende est ici rapportée d'une façon assez obscure. On y voit une étrange confusion entre Judas Maccabée, les bornes d'Hercule et la tête de Méduse. Je ne saurais pas dire si la suite des récits justifiera complètement la prophétie racontée par le roi Rion. Il faut encore signaler dans le bulletin de cette bataille, dont je n'ose rappeler tous les détails, le touchant épisode de la réconciliation de Léodagan avec son preux sénéchal Cléodalis. On se souvient des justes motifs de ressentiment de Cléodalis contre le roi de Carmélide, qui retenait la sénéchale enfermée dans une tour pour lui ôter les moyens de voir son mari. Cléodalis, résistant aux sollicitations de ses parents, avait résolu de remplir fidèlement ses devoirs de vassal et de sénéchal tant que durerait la guerre. Loin de penser à trahir Léodagan, il n'avait pas cessé de veiller sur ses jours pendant la bataille. Il l'avait vu s'engager imprudemment à la poursuite de quelques scènes jusqu'au milieu d'une forêt. Là, bientôt, éloigné des siens, le roi avait été surpris et entouré par de nouveaux ennemis. Il venait d'être désarçonné quand Cléodalis parut, offrit au roi son cheval et l'aida à remonter. « Hâtez-vous de fuir, sire, » dit-il, « vous n'avez aucun autre moyen de salut. Je vais demeurer pour vous faire rempart. » Léodagan sentit les pleurs inonder son visage, en entendant parler ainsi celui qu'il avait mortellement offensé. Il monta, mais ne voulut pas abandonner Cléodalis, et tous deux, appuyés contre deux grands chênes voisins l'un de l'autre, seraient tombés sous les coups des scènes si Merlin n'eût averti le roi Artus de compléter sa victoire en venant à l'improviste attaquer les 700 géants qui occupaient encore la forêt. Il était grandement temps que le secours leur arrivât. Léodagan, de nouveau désarçonné, venait de tomber sanglant sur ses genoux. Cléodalis, percé de 20 coups d'épieux, résistait encore malgré le sang qui coulait de 20 blessures. Dès que les géants furent dispersés, « Cléodalis, dit faiblement le roi, je vois bien que je suis à ma fin venue. « Mais, gentilhomme, je vous crie merci de mes torts envers vous. » Disant cela, il essayait de se tenir à genoux en tendant son épée. « Prends ton droit, gentil chevalier, tranche-moi la tête comme je le mérite et comme tu es obligé de le faire. » Cléodalis, voyant ainsi le roi, ne put retenir ses larmes. Il lui tendit la main, le releva et déclara qu'il le tenait quitte de tous les méfaits qu'il avait à lui reprocher. L'armée victorieuse revenue à Carouès, Cléodalis et Léodagan se confièrent à de bons médecins qui parvinrent à fermer leurs plaies. Pour le roi Artus, il jugeait le moment venu d'épouser Guenièvre, sa fiancée, mais le sage Merlin lui représenta qu'il avait auparavant une dette de reconnaissance à payer aux deux rois de la Gaule et qu'il fallait avant tout mettre le royaume de Bénoïc à l'abri des attaques de Claudas, de Ponce-Antoine et de Frollo. Le roi Bohor, cependant, était allé visiter son château de Carhaix, don du roi Uther Pendragon, qu'il avait repris au roi Amant pour refus d'hommage. De là, les levains de haine entre les rois Bohor et Amant, dont nous verrons bientôt les conséquences. Pour Artus, il prit congé de Léodagan et de sa fiancée, afin de se rendre à Bredigan, où devaient le rejoindre les deux rois de Gaule avant d'entrer en mer. Bohor partit de Carhaix pour se trouver au rendez-vous avec Guinebaud son frère et 60 chevaliers. Il avait à traverser une grande forêt appelée la forêt périlleuse, nom qu'elle devait échanger plus tard contre celle de forêt sans retour. Au lieu de prendre la grande voie qu'avait suivi le roi Artus et ses 20 000 soudoyers, Bohor entra dans un chemin détourné qui les conduisit à l'entrée d'une prairie où les attendait la plus merveilleuse aventure. Au milieu de cette prairie, entièrement fermée de bois, ils trouvèrent les plus belles danses qu'ils eussent jamais vues de chevaliers, écuyers, dames et damoiselles. Près des danseurs étaient assis en deux fauteuils, d'un côté une dame de la plus parfaite beauté, de l'autre un chevalier de 50 années d'âge environ. Dès qu'ils virent la dame, Bohor, Guinebeau et leurs compagnons descendirent de cheval. La dame à leur approche se lève, comme sage et bien enseignée, ôte sa guimpe, salue le roi Bohor et les invite tous à s'asseoir sur l'herbe fraîche et verdoyante. Quelque plaisir qu'il y eut à regarder ces charmantes caroles, Guinebeau en prenait encore un plus grand à contempler la dame assise. Plus il la regardait, plus il sentait le feu d'amour pénétrer dans son cœur. « Ne pensez-vous pas, dit alors la dame, qu'on serait bien heureux de suivre ces belles caroles tous les jours de la vie ?»« Dame, répond Guinebeau, il ne tiendrait qu'à vous d'avoir ce bonheur. S'il en était ainsi, j'en serais ravie, dit-elle. Mais à quelles conditions ? Consentez à me donner votre amour, et je ferai durer les caroles tant que vous voudrez. Les beaux danseurs d'aujourd'hui seront tour à tour remplacés par ceux que le hasard conduira dans ces lieux. À peine arrivés, ils se mettront à faire joie, à caroler et chanter, jusqu'au moment où surviendra un fils de roi qui n'aura jamais faussé ses amours et qui joindra à cette rare vertu celle d'être le plus preux chevalier de son temps. La dame répondit qu'à ces conditions, elle lui accordait son amour. « Mais, reprit Guinebeau, n'avez-vous jamais eu de seigneur ?»« Non, je suis aussi bonne pucelle qu'en sortant du ventre de ma mère. De plus, je suis dame d'un royaume appelé la Terre lointaine. » »« Pour moi, dit alors le vieux chevalier, je prétendrai serrer ici une chaire élevée où viendra s'asseoir le chevalier loyal qui doit mettre fin à l'aventure. »« Et moi, dit le roi Bohor, je déposerai une riche couronne d'or que le loyal chevalier aura seul droit de porter. » Alors la dame et Guinebeau échangèrent fiances d'être à jamais l'un à l'autre. Il fut en outre convenu que la mort de la dame ou de son amant n'empêcherait pas les danses de continuer jusqu'au moment de l'arrivée du chevalier loyal en amour. Guinebeau jeta son enchantement et c'est ainsi que la carole fut établie. Elle n'était interrompue que pour laisser aux danseurs le temps de dîner, souper et dormir. La dame obtint de Guinebeau un second jeu. Ce fut un échiquier mi-parti d'or et d'ivoire, ainsi que les paons et les autres personnages. Le sort qu'il jeta fut tel, sitôt qu'un joueur avait fait le premier trait d'un paon ou de quelque autre pièce, il devait voir le jeu répondre et les pièces avancer sans qu'une main les conduisît. Quelle que fût son adresse, le joueur ne pouvait manquer d'être maté par le jeu jusqu'au moment où paraîtrait le chevalier loyal en amour, fils de roi et de reine. Guinebeau ne borna pas ses enchantements à la carole et à l'échiquier. Il apprit maint autre secret à la dame, qui sut bien en ouvrer après la mort de celui qui l'avait enseigné. C'est ainsi qu'elle éleva le château tournoyant et d'autres caroles que Mérogis trouvera dans la cité sans nom, en achevant sa quête de messire Gauvin. Guinebeau laissa partir le roi Bohor, son frère, après l'avoir quelque temps convoyé. Pour lui, il demeura près de la dame aux caroles et ne la quitta plus un instant jusqu'au moment de sa mort. Cette histoire semble une simple variante de celle de Viviane. Merlin produit les mêmes danses, confie les mêmes secrets, reste également enchaîné par une puissance invincible auprès de Viviane. Mais les jeux de Guinebeau deviendront l'occasion d'autres récits, et quoi qu'on reconnaisse ici le calque d'une première invention ailleurs mieux racontée, on aime à voir comment, d'un seul fond, nos romanciers tirent souvent un double ou même un triple courant de récits. De son côté, le roi Bohor poursuivit sa route vers la forêt de Brelligan où l'attendait, comme on a vu, le roi Artus. Avant d'être sorti de la forêt périlleuse, il fit rencontre non plus de joyeuses danses, mais du roi Amant qui, l'arrêtant, la fureur dans les yeux, le contraignit à se mesurer avec lui. Les conditions du combat furent telles. Si Amant demeurait vainqueur, Bohor devait lui céder le château de Carhaix. S'il était vaincu, il devait se rendre à Brelligan pour y faire hommage au roi Artus de ses autres domaines. Enfin, s'il était tué, ses chevaliers devaient reconnaître Artus pour le suzerain des fiefs qu'ils avaient jusqu'alors tenus du roi Amant. Le combat fut long et se termina par la mort de l'agresseur que Bohor pleura sincèrement. La plupart des chevaliers d'Amant consentirent à suivre Bohor à Brelligan et furent accueillis favorablement par Artus. Mais les plus orgueilleux Guingamp Brésil, Giroméland et Brandélis, ayant refusé de les imiter, retournèrent sur leurs pas. Le roi de Gannes, avant de quitter la place, y fonda un hôpital commémoratif que desservit un bon clerc, auparavant sans chapelain, et dont on aura plus tard occasion de parler. Bohort entra dans Brelligan comme Artus se disposait à revenir à l'ogre pour y déposer de nouvelles richesses qu'il devait à Merlin. Le prophète l'avait conduite au pied d'un grand chêne dont il avait fait mettre les racines à découvert. Là se trouvait un trésor, remontant au temps de l'arrivée des Romains. On avait encore trouvé, sous le trésor et dans un coffre de cuivre, 12 épées d'excellente trempe. Artus les rapporta lui-même à l'ogre. Avant de quitter Brelligan, plusieurs jouvenceaux de bonne mine avaient demandé à lui être présentés. Le roi, entouré de ses barons, les attendit sous une épaisse et verte arbroie, où ils prenaient le frais, car le pays étant infesté de seines, ils n'avaient osé permettre à ses chevaliers de déposer leurs armes. On était à l'entrée de mai, la chaleur était grande. Il faisoit si grand chaud comme ils seuls faire à l'entrée de mai. Les enfants approchèrent en se tenant deux à deux par la main. Arrivés devant le roi, ils s'agenouillèrent et Gauvenet prenant la parole. « Sire, je viens vers vous avec mes frères, mes cousins, mes parents et mes amis, comme à notre seigneur Lige, attirés par le bien qu'ils ont entendu de vous. Nous désirons vous prier de nous donner des armes et de nous faire chevaliers nouveaux. Si vous prenez en gré notre service, nous vous servirons loyalement et du mieux que nous pourrons. Apprenez déjà que plusieurs d'entre eux ont assez bien fait leurs preuves en défendant de leur mieux votre terre. Ils y ont mis grand travail et grande peine, et si j'entends que vous le sachiez, c'est qu'on doit rendre compte au prud'homme du bien et du mal qu'on a pu faire. Mais il vaut mieux le taire au mauvais seigneur, peu soucieux de reconnaître les bons, ayant des yeux pour ne pas les voir, et un cœur qui ne les avertit pas de remercier. « Qui êtes-vous, gentil varlet, qui parlez si sagement ?» dit Artus. « Avant de répondre, sire, nous désirons savoir si votre volonté est d'accueillir notre service. Demandez ensuite ce qu'il vous plaira. Nous dirons ce que nous savons. »« Beaux amis, dit Artus, je vous retiens très volontiers, et j'entends faire chevalier vous et tous ceux de votre compagnie. Vous serez désormais mes compagnons, mes amis. Vous pourrez disposer de ma cour et de moi. » Et relevant en même temps Gauvenet par les mains, « Dites-moi maintenant, beaux doux amis, qui vous êtes, car j'ai grande impatience de le savoir. »« Sire, fait l'enfant, par mon droit nom, on m'appelle Gauvin. Je suis fils au roi Lot de Léonois et d'Orcanie. Ces trois damoiseaux que je tiens par les mains sont mes frères, Agravin, Guire et Gaériette. Ces autres damoiseaux vous sont cousins germains de par les rois nôtres et Uriennes. On les nomme Galéchin, Yvain le Grand et Yvain la Voutre. Voyez-vous ce beau brun si bien membré ? C'est le fils du roi Bélinan de Sorgal et le cousin germain de Galéchin. Ces deux autres sont Queu et Caédin, neveux du roi Caraloc d'Estrangor. Les autres sont cousins du roi Lot ou fils de comte et de duc, à savoir Yvain au Blanchemain, Yvain l'Éclin, Yvain de Rivel, Yvain de Lionel. Enfin, ce damoiselle qui surpasse tous les autres en beauté, en force, en visage riant, en blonde et crêpée chevelure, c'est le riche Sagremor, neveu de l'empereur de Constantinople. Il a traversé des mers lointaines pour recevoir ses armes de votre main. » Le roi, l'entendant ainsi parler, ne peut contenir sa joie. Il prend Gauvin dans ses bras et tour à tour baise tous ses compagnons. Il n'y a pas d'honneur qu'il ne fasse à Sagremor. Puis, revenant à Gauvin, « Beau neveu, je vous donne la charge de connétable de mon hôtel. Vous serez après moi le souverain seigneur de mes hommes et de ma terre. » Gauvin l'en remercie humblement et s'agenouille de nouveau. Le roi le revêt de l'office de connétable par son dextre gant. Après cela, l'ordre est donné de monter. On laisse Brédigan, on arrive à l'ogre. Au-devant du roi allèrent ses deux sœurs, la reine d'Orcanie et Morgane la bonne clergesse. Ils trouvèrent le palais tendu de draps de soie, jonché d'herbes fraîches et odorantes. Le jour et la nuit suivante se passèrent en fêtes joyeuses. Puis Artus avertit les enfants de se rendre à la maître-église pour y veiller jusqu'au lendemain. Quand vint l'heure de la messe, le roi prit sa bonne épée Excalibur et la ceignit aux côtés de Gauvenet. Il lui chaussa l'éperon droit pendant que le roi Ban attachait le senestre. La collée fut donnée par Artus. « Chevalier, lui dit-il, Dieu te fasse prud'homme. » Après, il les adouba tous et leur distribua les bonnes épées qu'il avait trouvées au trésor, à l'exception de Sagremor, qui voulut employer les armes qu'il avait apportées de Constantinople et de Dodinel le Sauvage, qui reçut du roi Bohor l'épée nouvellement conquise sur le roi Amon, oncle de l'enfant. Mais en raison du deuil que causaient dans le pays le voisinage et les ravages des Seines, le roi ne permit pas aux chevaliers nouveaux de dresser une quintaine dans la plaine. Tous ses soins se portèrent sur les hommes d'armes qui, de tous côtés, venaient lui demander des soudés pour la prochaine campagne de Gaule. Le soin de les retenir, de les dresser, de leur assigner une place dans chaque bataillon, fut confié au connétable Gauvin qui, à partir de ce jour, eut sur l'armée d'Artus la principale autorité. Avant le départ général de l'armée, Merlin s'accointa plus particulièrement de Morgane, sœur d'Artus. Elle apprit alors de lui les grands secrets d'astronomie et de nécromancie, dont elle fit par la suite tant d'usages, et pour servir ses amis, et pour se venger de ses ennemis.